La petite sœur Quiquette. C'était pendant le carême. L'aumônier du couvent prêcha un sermon tout à fait pathétique sur les larmes que font verser au Christ les péchés des humains. « Mes sœurs, dit l'abbé qui était un savant, quand une de vous oublie de dire sa prière en se levant, du ciel alors tombe une larme du Christ, lacryma Christi. Quand un impie blasphème, nouvelle larme du Christ, re lacryma Christi. Chaque péché est une larme, sans père lacryma Christi. Or, voilà que toutes les religieuses, le soir, se couchèrent en pensant chacune à ces deux graves mots latins, lacryma Christi. Grand fut l'étonnement de sœur Marie des Anges, la jolie quêteuse du couvent, en voyant le lendemain, chez un marchand, un flacon étiqueté « Lacryma Christi ». Des larmes du Christ en bouteille. Elle acheta le flacon, certaine que la divine liqueur la guérirait de son panari. Si les larmes du Christ allaient être plus miraculeuses encore que l'eau de Lourdes, qui sait? Sœur Marie des Anges, toutes les fois qu'elle fut hors de vue des passants, s'arrêta pour lamper à la dérobée une gorgée de lacryma Christi dont la vertu allait à coup sûr éclater. La divine liqueur était un vrai nectar, si bien qu'à force d'en lamper de pieuses gorgées, sœur Marie des Anges vit un peu trouble autour d'elle et accepta le bras secourable d'un jeune peintre qui apparut à ses yeux beau comme un chérubin descendu du ciel à son intention. Oscar, c'était le nom de l'artiste, emmena chez lui sœur Marie des Anges, et dans un petit dîner en tête-à-tête, avec nouvelle rasade du miraculeux lacryma Christi, il fit goûter à l'innocente nonnette toutes les joies suaves qui sont là-haut le partage des élus de Dieu. Après quoi il la conduisit dans un lieu bruyant et vivement éclairé, où, au son d'un orchestre séraphique, se démenaient avec allégresse les saintes cohortes des bienheureuses et des bienheureux. Sœur Marie des Anges, même dans ses rêves, ne s'était pas fait une telle idée du paradis. Réveil lugubre, après une pareille nuit passée dans un violon qui n'avait rien d'harmonieux, sœur Marie des Anges, confuse et dépenaillée, dut, en la compagnie du commissaire du quartier, réintégrer le domicile monastique, au grand ébahissement de la vieille sœur Tourière. Mais c'est au bout de 9 mois que le scandale fut à son comble dans le couvent. Un miracle s'annonçait que la sœur quêteuse n'avait pas prévu. Elle comparut devant le chapitre, qui lui infligea de dures pénitences et ordonna la destruction du miraculeux corps du délit.